Chapitre 91 L'enfer belge. Sans Benoît, les Bleus partent pour la Belgique. Le climat est assez bizarre. Totof Hack 76 a un secret bien gardé et qui pourrait faire exploser le monde du football. Le ballon rond est désormais guidé par des bookmakers malveillants. Il ne sait pas s'il y a des espions parmi ses propres Bleus, mais il n'avait jamais soupçonné quoi que ce soit. Que faire ? Dévoiler ceci au grand jour et détruire le système actuel, ou se taire pour le bien de tous. Il est à l'avant du bus faisant le voyage Paris-Bruges et hésite énormément. Pour le bien de tous, il va se taire. Il ne veut pas gâcher la fête. Dans un peu plus d'une semaine, la France peut gagner son premier tournoi destination et pourquoi ne pas signer le grand chelem ? Les Bleus sont arrivés à leur hôtel sur la grande place, non loin du beffroi de Bruges. La nuit va être difficile pour Totof 76, rongé de remords, mais l'agitation nocturne tapera plutôt à la porte d'à côté. Jichabal décide de faire le mur et de traîner dans les rues de la Venise du Nord, seul. Discrètement et incognito, il traîne les bars. Contrairement à sa nuit cauchemardesque à Paris, il y a 3 ans, il veut se faire tout petit. Jichabal rencontre du monde, des Wallons, et se lie d'amitié avec eux. À quelques heures de la rencontre entre voisins, ce n'est pas très malin de la part de l'attaquant des Bleus. Peu importe, il ne veut que s'amuser. Arrivé dans une ruelle un peu sombre, tout le monde s'arrête et se retourne vers le Français. Il est une nouvelle fois pris dans un guet-apens face à des hooligans belges. Mais ceux-ci portent un maillot que le Marseillais connaît. Ce sont des supporters de Mouscron, le club qu'il a déserté pour rejoindre l'aventure destination. Les supporters mouscronois n'ont pas pardonné à Jichabal d'être parti comme un voleur, surtout à quelques points de la Benelux League. À cause de lui, le club belge est condamné à rester amateur et ne connaîtra pas les strass et les paillettes de la BNLL. Pour cela, Jichabal va payer cher, très cher. Les premiers coups tentés sont faits par les Belges, mais le Français esquive très bien. Il a aujourd'hui un argument de taille et surtout de poids, sa carrure. Il peut se défendre face à 3 ou 4 personnes violentes. Mais devant son groupe de 10 Belges et l'alcool l'affaiblissant, il ne peut pas trop se défendre. Alors qu'il pensait être tranquille, Jichabal replonge. Il est dépassé par les événements et paye une nouvelle fois le prix du succès et de ses choix. Pendant qu'il est au sol et crache du sang, il entend au loin une voix. C'est Totof 76 qui l'appelle. Comment son capitaine a-t-il pu savoir où il était ? Les Belges sont partis en courant, en voyant le joueur de l'Olympique. Ce dernier tape Jichabal sur l'épaule pour qu'il reste éveillé. Ou l'inverse ? Totof 76 lui demande de se réveiller. Pourquoi ? Devant son assistant, Jichabal ouvre les yeux, se relève et se touche les lèvres pour regarder s'il saigne encore. Il n'y a aucune trace de sang. L'échappée nocturne n'était qu'un rêve. L'ancien Jichabal, le Faitsen, aurait pensé que tout cela était vrai, mais aujourd'hui, grâce à Totof 76, il est sorti de sa crise de paranoïa. Cependant, après tout cela, Jichabal a peur que tout recommence. Pour lui, ce rêve n'était qu'une alerte sur le retour de ses hallucinations. Il ne veut pas redevenir fou à cause de la pression. Jichabal demande à Totof 76 d'annoncer qu'il sera blessé pour la rencontre contre la Belgique et qu'il débutera le match sur le banc. Déjà privé de Benoît, la France va-t-elle pouvoir se passer de Jichabal pour aller conquérir le Grand Chelem ? Chapitre 92 La guerre des nerfs. Totof 76 annonce le forfait de Jichabal, ce qui inquiète les supporters français. Sans lui et Benoît, la France redevient comme l'effectif qui a raté son mondial 2052 et son tournoi destination 2051. Alors qu'ils étaient bien lancés, les Bleus pourraient chuter à 2 matchs de la fin. Jichabal est annoncé comme forfait, mais pourrait être apte pour maximum 1 mi-temps. Le chapeau prend donc sa place sur le terrain. Brillant au milieu de terrain contre l'Espagne, le gunner a l'occasion de montrer ce qu'il vaut en attaque. Il pourra alors livrer quelques perles à son coéquipier, Totof 76, mais aussi faire trembler les filets. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Benoît étant absent, c'est Julien 67 qui va prendre le couloir droit français. Le jeune joueur français ne côtoie le monde professionnel que depuis quelques mois et a su marquer les esprits des supporters. Joueur au RC Strasbourg pendant 4 ans, il a quitté la Ligue Alsace pour rejoindre la franchise japonaise de l'Exure Bianconeri. Un énorme pas pour lui. Pas exceptionnel depuis sa signature en Japan Masters League, il a pu faire de belles performances en équipe de France. Il a un autre argument de taille. Il est protégé par Totov 76. C'est donc avec cette équipe revancharde que les Bleus vont tenter de renverser la Belgique au Stade Zeebruges. Cette enceinte avait été construite il y a presque 40 années et a la particularité de n'être séparée que d'un parking du stade voisin. Nous aurons donc une ambiance de folie à Bruges, puisque les deux stades seront remplis. Le stade principal verra la vraie rencontre, alors que les voisins se contenteront d'une représentation holographique. Les supporters des deux stades pourront s'échanger quelques chants via un dispositif sonore exceptionnel. Les joueurs ne verront que 45 000 supporters et en entendront 60 000. La Belgique met toutes les chances de son côté pour s'imposer face aux voisins français. De plus, les fanatiques bleus sont persona non grata. Jugés trop dangereux pour les autorités brugeoises, les éventuels affrontements entre supporters seront évités. Dans la réalité, à part quelques exceptions, il n'y aurait eu aucune violence, mais tous les coups sont permis pour amoindrir l'adversaire du soir. Les Français ne seront soutenus que par les questions interactives glissées dans les oreillettes de 3 joueurs durant la rencontre. Il faudra être solide pour venir s'imposer à Bruges et faire du match contre l'Allemagne la semaine prochaine au Stade de France, la finale du tournoi Destination. En effet, la sélection allemande a déjà gagné son match de la 4e journée contre l'Italie. Ils ont donc 4 voisins pour autant de matchs. Si la France gagnait contre la Belgique ce soir, le vainqueur du match de la semaine prochaine sera vainqueur de ce tournoi Destination et fera le seul grand chelem dans l'histoire de la compétition. À noter qu'à Londres, l'Espagne a battu le Royaume-Uni. Les Espagnols sont à leur 2e succès de la compétition. Encore une fois, la France joue en prime time et peut composer selon les résultats de leurs adversaires. Depuis le début de la compétition, cela leur a plutôt réussi. À confirmer à Bruges, puisque la rencontre va commencer. Jichabal regarde ce match depuis le banc, un peu comme il y a quasiment 2 mois, quand il voyait son équipe lensoise de l'époque être malmenée par l'Olympique de Saint-Martin-de-Beaucherville. Il était entré en jeu avec une hargne qu'on aimerait bien revoir ce soir dans la ville de Flandre occidentale. Chapitre 93. Une situation à retourner. La Belgique est archi-motivée et elle veut profiter des absents français. La défense des Bleus est abondamment sollicitée par les assauts des Diables Rouges. Il faut compter, encore une fois, sur un Bella héroïque. Avec un autre gardien, les résultats de l'équipe de France seraient tout autres. Mais Bella plie beaucoup trop et finit par rompre. Nous jouons depuis 8 minutes et le 4e tir cadré belge est le bon. Ils font trembler les filets du gardien adverse. Le score est même porté rapidement à 3-0. Il faudra un miracle aux Bleus pour revenir au score. Les chances de remporter le tournoi Destination, qui plus est via le Grand Chelem, s'éloignent au fil des secondes sur le terrain brugeois. Les supporters donnent de la voix, les Français sont fragilisés. Ils sont ailleurs et souhaiteraient que tout s'arrête. Les vieux démons reviennent frapper à la porte des Bleus. Des joueurs fébriles, peu concentrés, un peu trop menaçants offensivement. C'est exactement ce qui les a conduits vers les derniers fiascos en compétitions officielles. L'équipe de France doit réagir, et vite. Jichabal décide de s'échauffer. On lui a indiqué qu'il était en tête des bonus supporters. En cas d'acharnement de malus sur un de ses coéquipiers, il fera son entrée en jeu. Jichabal veut être à 100% et porter son équipe vers le haut. Il a connu pareille situation avec les YNWA Reds. Il connaît la recette. Jichabal va tout faire pour faire briller Totov 76. À la surprise générale, à 2 minutes de la mi-temps, les supporters français ont scellé le sort d'un titulaire en le faisant sortir. Et, fait unique depuis 3 ans, c'est Totov 76, le capitaine, qui va céder sa place. Le Normand est en dehors de son match, sûrement préoccupé par les révélations de Benoît. Il donne donc son brassard de capitaine à Tots 511. Jichabal entre en jeu, motivé mais un peu sonné par la sortie de son ami. Il n'a pas le choix, il devra devenir, seul, le héros de ce match. Sans aide, la France ne pourra pas atteindre les sommets et le joueur devra garder sa barbe. La France pourrait ne jamais connaître la vraie identité de Jichabal, alias Faitzen. La mi-temps est sifflée sur le score de 3-0. Jichabal ne rentre pas au vestiaire et reste sur le terrain pour continuer son échauffement. Il demande à un jeune Belge avec le maillot de mouscron de monter sur le terrain pour échanger quelques ballons. Le geste est fort. Le sudiste montre à la Belgique entière qu'il n'a pas oublié le club dans lequel il doit signer après le tournoi Destination. Il reçoit une ovation pour le remercier. Quand l'enfant regagne les vestiaires, Jichabal lui glisse quelques mots dans l'oreille. Il lui promet que Mouscron brillera en Benelux League et qu'il finira meilleur buteur, et peut-être que, dans quelques années, il lui fera la passe décisive pour offrir la Benelux League à son club de cœur. Jichabal est un homme de parole et c'est plutôt apprécié par le public. Chapitre 94. Une passivité incroyable. Les Français commencent la seconde période comme ils ont débuté la première. Ils sont assez brouillons, peu de ballons arrivent vers Jichabal, et Bella doit encore user ses gants. Il y a quelque chose de bizarre chez l'équipe de France ce soir. Ils sont, certes, tétanisés par l'ambiance de Bruges. Mais ils ne jouent pas comme à Madrid la semaine dernière. Ils sont démotivés ou tout simplement sur les rotules après avoir enchaîné tant de belles performances. Jichabal ne veut pas sombrer dans l'approximation du niveau de jeu affiché ce soir. Sur un corner belge, il intercepte lui-même le ballon et part vers le but adverse. Sa course est folle et est conclue par une belle lucarne. La passivité de la défense belge est affligeante, voire suspecte. Le nouveau capitaine français, Tots 511, fait le même constat à la 56e minute, puisqu'il trompe lui aussi le gardien belge. La France n'est menée que 3-2. Il ne reste plus qu'un but pour égaliser et deux pour mener au score. Ça paraît trop facile pour être vrai. L'égalisation est toute proche, mais Jichabal ne vise pas le cadre, 3 minutes après le but de son nouveau capitaine. À la 68e minute, les attaquants belges marquent le 4e but, un vrai coup de massue pour la France. Il ne reste que 22 minutes pour inscrire les 2 buts, minimum. Ils peuvent le faire. 2 minutes plus tard, Jichabal obtient un bon coup franc dans la surface de réparation belge, suite à une faute commise sur un joueur dos au but. Sa frappe est tellement puissante qu'elle glisse dans les mains du portier belge. Il reste 20 minutes et la Belgique n'a plus qu'un but d'avance. Les Belges décident de déboutonner pour ne pas encaisser de nouveaux buts. C'est de l'attaque-défense. Dès qu'un Belge récupère le ballon, il dégage loin devant, dans le vent, car il n'y a plus aucun Belge dans la moitié de terrain française. Avec cette stratégie, ça va être compliqué pour les Bleus de marquer. Le chapeau est excentré sur le côté gauche, il revient sur son pied droit et veut adresser un long centre intérieur. Celui-ci est repoussé par le portier belge. Le ballon revient sur le gunner qui arme une frappe de mule pour lober le gardien et se loger dans les filets. Il ne reste que 7 minutes et les deux équipes sont à égalité. Les Français pensent avoir décroché un billet pour la séance de tir au but. Ce n'est pas du goût de Jichabal qui ne peut pas se contenter de cela. Il veut tenter la victoire dans le temps réglementaire. Le futur mouscronois profite de cette défense perméable pour se retrouver en face à face avec le gardien de but. À noter que ce joueur est un membre de l'équipe de Liège, principal concurrent de Mouscron, pour la montée en Benelux League. Jichabal réfléchit trop et se fait prendre le ballon par son vis-à-vis. Mais l'arbitre a repéré une faute. Il a trouvé que le gardien a été trop agressif dans sa sortie. Alors que Jichabal n'est même pas tombé, l'homme en noir siffle un pénalty pour les Bleus. Jichabal trouve cela injuste et hésite à faire exprès de rater ce pénalty. Devant le refus du Français, c'est un de ses coéquipiers qui va se charger de botter le cuir. Le capitaine, Tots 511, fait trembler les filets et offre la 4e victoire de l'équipe de France dans ce tournoi. La France est à une victoire du Grand Chelem historique. Dans un scénario incroyable, la France a battu la Belgique 5-4. Les Français font la fête, à l'exception de Jichabal et Totov 76, qui rentrent au vestiaire sans broncher. Chapitre 95. La boîte de Pandore. La non-célébration de Jichabal et Totov 76 ont fait s'agiter les réseaux sociaux. Pour le sudiste, tout le monde pense qu'il a trouvé injuste la décision arbitrale et qu'il a un profond respect pour la Belgique. On imagine qu'il ne veut pas célébrer à Bruges, mais se réserve pour le grand match contre l'Allemagne au Stade de France. Les Belges l'appellent déjà Monsieur Jichabal, le bon prince français, futur sauveur de Mouscron. Cependant, pour Totov 76, c'est l'incompréhension totale. Lui, si patriote, si dévoué à son équipe, crédible pour être vrai selon lui. La Belgique menait, puis était étrangement faible, revenait au score et s'écroulait. Tout cela n'était que pour faire monter la cote de la France et faire plaisir au Bourbon. Le pénalty généreux est également en ce sens. Avec une séance de tirs au but, cela aurait prolongé le temps pour pouvoir parier sur la France avec une cote devenue basse. Il y avait quelques espions côté belge. Et pourquoi pas côté français? Si tous les matchs sont guidés par ces faussaires, le football est devenu scénarisé. Totov 76 ne sait pas s'il doit dévoiler la vérité avant le match contre l'Allemagne ou après. Il pourrait gâcher la fête alors que tout le monde n'attend que ça. Les Français ont le moral tellement bas qu'une victoire dans ce tournoi les réunirait et serait une bonne occasion de croire à la force française. Cela fait depuis la Coupe des Confédérations 2003 qu'ils n'ont plus rien gagné. 50 années sans titre. Le capitaine ne peut pas réduire à néant tous ses espoirs. Mais la bonne forme de l'équipe de France n'est que contrefaite, instrumentalisée par les bookmakers. Totov 76 est prêt à ouvrir la boîte de Pandore en dénonçant ce qu'il surnomme l'affaire Labrox 2053. Il est prêt à lâcher la bombe sur les réseaux sociaux. Alors qu'il s'apprête à appuyer sur « Envoyer » sur l'écran tactile de Salah Gérari, une Jaguar XF de 2012 le percute. Le gros cylindré s'en va mais laisse Totov 76, choqué, la tête dans son airbag. Les secours belges arrivent, plus de peur que de mal pour le footballeur français. Seul petit dégât, le disque dur interne de sa voiture a été endommagé. Tous ses programmes ont été effacés, et notamment son petit message dénonciateur. On ne sait pas par quel moyen, mais les bookmakers ont su qu'ils préparaient un coup. Il s'agit ici d'un avertissement. Ils savent tout et sont prêts à tout pour éviter cette affaire. Cela dépasse le cadre du football. C'est la vie de Totov 76 qui est en péril. Cette fois, ce n'est pas Faitsam qui est menacé, mais Totov 76. C'est le futur mouscronois qui vient le chercher et l'amène jusqu'au centre technique de Clairefontaine. Durant le voyage de 300 km, le capitaine des Bleus reste muet. Faitsam pense qu'il est sous le choc. Totov 76 est déterminé. Il veut quand même être sur la pelouse du Stade de France pour affronter l'Allemagne. Toute la France n'a que ce match en tête. La France pourra aller chercher le premier grand chelem de l'histoire et surtout son premier tournoi destination à Saint-Denis en battant l'Allemagne. Le dimanche 5 octobre 2053, la date est cochée pour un match historique.